Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. FPP 106.3, la jungle des luttes, le programme de radio qui vous est présenté par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et ce soir, on est avec Thomas qui va nous parler un peu des actualités au Mexique et notamment de la commémoration de l'assassinat de Samir Flores, les 3 ans de son assassinat. Et donc, Thomas, qui était Samir Flores et le PIM, qu'est-ce que c'est, le projet intégral Morelos, dis-nous en plus. Ok, bonsoir à tout le monde, tous les auditeurs, toutes les auditrices de la radio. Et comme chaque année, le 20 février, on commémore l'assassinat, enfin depuis 3 ans en fait, on commémore l'assassinat de quelqu'un, d'un grand lutteur social au Mexique qui s'appelait Samir, qui a été assassiné du coup il y a 3 ans à 6h du matin en 20 février. Samir c'était un jeune de sa communauté, Amilcingo, qui se trouve à une 70 kilomètres peut-être au sud de Mexico, dans un état qui s'appelle le Morelos, qui est encore paysan. C'est des communautés, c'est des villages, quoi. C'est des villages ruraux qui cultivent, qui ont encore leur terre collective, qui cultivent le maïs, l'amarante, dans une région qui est encore rurale, mais qui est... Qui est affecté aussi par tout ce qui se passe dans le Morelos aussi qui a mené pas mal de luttes. C'est une communauté où il y a eu des grandes luttes. Il y a aussi une école normale d'instituteurs comme Ayotzinapa, proche de ce qu'a pu être Ayotzinapa par exemple. Tout ça, ils ont une longue histoire de lutte quand même. Et surtout à partir des années 2010, on va dire, il y a eu l'arrivée dans la région de Morelos de tout un projet de gazoduc et de construction de centrales thermoélectriques suite un peu à la libéralisation, on va dire, du secteur énergétique mexicain qui a été ouvert en fait avec aux investissements internationaux. Et donc à ce moment-là, il y a eu la vente d'énormément de projets à des multinationales européennes pour construire des gazoducs, des centrales thermoélectriques, des éoliennes, plein de choses comme ça. Et dans le Morelos, il y a eu un grand projet de construction à la fois de gazoducs pour alimenter les zones industrielles en gaz directement, parce qu'il y a pas mal de zones industrielles qui sont toujours alimentées par camion. Donc c'est des forcément avoir un gazoduc, ça leur baisse énormément les coûts de revient. Et de l'autre côté, une centrale thermoélectrique pour produire suffisamment d'énergie pour toutes ces zones industrielles qui se développent au sud de la ville de Mexico. Et donc du coup, le problème c'est que c'est une zone sismique. Il y a eu un énorme tremblement de terre il y a quelques années qui a fait quand même énormément de morts. C'est une zone avec un volcan en activité. Qui s'appelle du coup le Popocatépetl, qui est un volcan, le volcan qui fume, qui est en activité, qui est régulièrement est en état d'alerte. Ce gazoduc devant passer notamment par Amilcingo et par d'autres endroits, les jeunes de la communauté d'Amilcingo, ils ont commencé à voir comment résister par rapport à ça. Et Samir, c'est quelqu'un qui a commencé... quand il était jeune, vers 18-20 ans, qui était à reprendre un peu le flambeau des luttes paysannes et puis à faire de l'information sur ces projets-là, gazoduc, etc. Bon, au départ, il prenait une voiture, il mettait des baffles, des haut-parleurs dessus, et puis il tournait dans la communauté pour raconter aux gens ce qui se passait. Et puis ensuite, petit à petit, de fil en aiguille, en rencontrant les médias libres de Mexico, etc., bah, ils ont monté une radio, ils ont monté un projet radio qui est devenu Radio Amitingo. Et ils ont commencé à s'organiser, les jeunes de la communauté, avec l'Assemblée Générale des Villageois, etc. Bon, la lutte sur place, elle est allée assez loin. Finalement, ils ont chassé les autorités municipales, ils ont repris le contrôle un peu de leur village. Et ils ont été un peu parmi les fers de lance un peu de cette lutte qui concernait pas mal de villages. Et donc, c'était l'une des figures un peu très très respectées un peu de cette zone, un peu, enfin c'était un jeune mais très très très très respecté quoi, qui a réussi à bouger énormément de gens et qui a réussi à politiser un peu toute sa communauté quoi. Et du coup bah ce projet là ils sont beaucoup battus contre et López Obrador, l'actuel président du Mexique, quand il était dans l'opposition, se déclarait contre ce projet et ça a été la grande trahison, on va dire, dans le sens où quand il est passé au pouvoir, directement, il a dit que en fait, il fallait accepter ce projet. Il voulait organiser une consultation pour valider ce projet. Avec son bras droit Bartlett qui était mis à la tête de la compagnie fédérale de l'électricité et criminaliser les opposants et à dire que c'était des conservateurs, des empêcheurs de tourner en rond, etc. Et bon, basiquement, pourquoi ils ont dit ça? Bah parce que en fait le Mexique il est tenu par des accords internationaux qui l'oblige à payer des centaines de millions d'euros s'il respecte pas ces accords quoi, et donc s'ils permettent pas la construction de ces gazoducs, etc., centrales thermoélectriques. Et donc du coup dans le contexte des consultations qui devaient avoir lieu pour approuver ce projet, Samir a été tué quelques jours avant la consultation, genre 3-4 jours avant la consultation. Il était assassiné sur le pas de sa porte pour faire... Bon voilà, c'est après du coup l'assassinat depuis 3 ans après, il n'y a toujours pas d'enquête, il n'y a toujours pas de personnes qui ont été détenues, arrêtées, même si les révélations tombent de plus en plus. Et voilà, donc ils ont fait croire que c'était un règlement de compte, des narcos, etc. Mais sauf que effectivement, on savait déjà à l'époque, mais on comprend de plus en plus que du coup les groupes narcos qui l'ont buté étaient liés aux autorités couvert par toute la chaîne de gouvernement locale, étatique couvert par López Obrador qui est le président du Mexique. Et ça fait énormément de bruit cet assassinat parce que c'était une figure respectée mais aussi parce que c'est la région d'origine d'Emiliano Zapata. Et que, il se trouve que 2019, l'année où il a été assassiné, c'était les 100 ans de l'assassinat d'Emiliano Zapata, qui a été trahi de la même manière par les nouvelles autorités, soi-disant révolutionnaires ou de gauche de l'époque, avec Madero. Et du coup, Zapata, qui acceptait pas de négocier, a été assassiné, pareil, par une trahison. Et donc, les peuples indigènes, autochtones, le ZLN, les apatistes donc, et le Congrès national indigène, pour eux c'est un peu comme un symbole de cette trahison des luttes de défense des territoires autochtones et de lutte contre le système de industriel, de mort et tout qui leur tombe dessus. Et en fait, la révolte sur place était tellement forte que López Obrador n'a pas pu venir sur place pour commémorer les 100 ans de la mort d'Emiliano Zapata. Il y a eu des milliers de personnes qui voulaient le chasser de là. Et depuis, un peu, c'est un symbole, ça reste un symbole de la lutte qui est un peu commémoré chaque année, un peu comme la résistance des communautés indiennes face aux grands méga-projets. Donc voilà, on est à 3 ans de son assassinat. Et ben une grande pensée, du coup, pour lui, depuis ici, et puis pour sa famille aussi. Liliana, aussi sa veuve, qui a 4 enfants. Et voilà, toute cette famille endeuillée, tout le village endeuillé. Et puis bah, aujourd'hui, c'est toujours la même lutte. Il y a, pareil, dans le cadre de l'imposition de ce projet, il y a encore une personne qui a été assassinée la semaine dernière, voilà, qui remettait en question la corruption locale pour détourner l'eau pour cette centrale thermoélectrique qui a été assassinée il y a une semaine. Il y a tout ce contexte un peu sur place. Et puis bah aussi, du coup, il y a une petite action qui a été faite le samedi, enfin une action, on va dire un petit rassemblement qui a été fait le samedi, juste pour parler aussi de l'influence de multinationales françaises dans ce qui s'est passé sur place, parce qu'un peu énormément d'industries et de multinationales sont impliquées, on fait d'énormes investissements sur place pour que ce gazoduc et cette centrale thermoélectrique se mettent en place, quitte à bah, faire du lobbying, à inviter les politiciens locaux en tournée en France, en Europe, etc. Pour voilà quoi, pour s'assurer que ces projets soient mis en place. Et concrètement, il y a une grande multinationale française qui est impliquée, qui s'appelle Saint-Gobain, qui possède sur place la plus grosse usine de production de vitres d'Amérique latine. Et donc, il y a énormément de gens qui travaillent là-bas, et c'est des fours gigantesques, c'est des unités de production, des chaînes de production de 200 mètres de long, avec des fours qui sont alimentés 24 heures sur 24, et donc bah, pour les alimenter, il faut du gaz, et donc c'est parmi les principaux acteurs un peu du lobbying pour imposer ce gazoduc et cette centrale thermoélectrique dans la région. Donc voilà, on voulait aussi bah, parler de ça, et puis dénoncer ça aussi, ce rôle des multinationales qui n'ont jamais à justifier de leurs actes et de la répression que ça entraîne. Et puis, et voilà, concrètement, Saint-Gobain, par exemple, quelques jours après l'assassinat de Samir, il fêtait l'inauguration d'un nouveau complexe industriel avec toute la fine fleur des autorités de l'État, l'ambassadrice en France au Mexique, les dirigeants de Saint-Gobain, etc. quoi. Mmh. Et voilà, c'est un peu toute cette collusion un peu que aussi, bon, il n'y a pas que des multinationales françaises, il y a beaucoup de multinationales espagnoles qui sont investies là-bas, comme Enagas, comme une autre grande, Abengoa, qui est un leader de l'énergie entre guillemets renouvelable en Amérique latine, et qui est d'origine espagnole, andalouse, comme Elecnor, enfin voilà, des grands groupes, ou des multinationales italiennes comme Bonatti, enfin il y a énormément d'acteurs qui sont impliqués, Nissan, enfin voilà quoi, c'est un espèce de grand cluster industriel dans lequel il y a énormément d'intérêts. Et donc du coup voilà, il y avait une petite action symbolique samedi devant des locaux de Saint-Gobain pour dénoncer tout ça, et tu voulais nous parler aussi d'une autre multinationale française qui est présente au Mexique et qui a aussi fait ses dégâts, Danone. Et du coup avec peut-être tu peux nous parler de la sortie du dernier communiqué du Conseil national indigène et puis des apatistes de l'OZLN très récemment, là le 16 février dernier, de quoi ils nous parlaient du coup Ouais, bah c'est un peu ça, c'est que là, on va dire qu'au niveau international, il devait y avoir un peu des mobilisations, des actions de solidarité pour les 3 ans de l'assassinat de Samir. Et puis, bah, en fait, dans ce contexte, bah, il y a les sales nouvelles qui sont tombées les unes après les autres. Et parmi ces sales nouvelles, bah, pareil. Des villages des alentours qu'ont combattu le gazoduc depuis longtemps, qui passent à quelques centaines de mètres de chez eux aussi, pareil. qui sont les villages. Alors là, c'est pas très loin, c'est à Puebla, enfin sur le chemin de Puebla, de la ville de Puebla. C'est des villages ruraux, du coup, de la région des volcans aussi, autour du volcan Popocatépetl. Et toutes ces communautés aussi se rebellent, pareil, parce qu'ils sont aussi dans une zone industrielle. Enfin, ils ont encore leurs terres agricoles, mais du coup, qui se retrouvent défoncées par toutes les zones industrielles un peu qui se sont mises et qui déversent de la merde dans leurs rivières, des produits toxiques. Il y a la cité textile, il y a plein d'entreprises, il y a plein d'usines, etc., qui sont présentes sur place et qui polluent allègrement et sur lesquelles les gens se battent et se sont battus. Mais parmi ces grandes multinationales présentes sur place aussi, qui les pillent, il y a Danone, parce que il y a des montagnes autour, il y a un volcan avec de la neige. Et donc, du coup, il y a des sources d'eau gigantesques, du coup, il y a des nappes phréatiques très grandes, et du coup, Danone pompe les eaux sur place pour les revendre en bouteilles plastiques, enfin concrètement en garrafones, en bouteilles de 20 litres, à partir des nappes phréatiques locales qu'ils ont asséchées au village des alentours. Et à un moment donné, quand les villages sur place se sont rendus compte que leurs nappes phréatiques étaient de plus en plus asséchées, qu'il y avait de moins en moins d'eau et que du coup au cœur de leur village il y avait cette usine Danone qui leur revendait l'eau qu'ils n'arrivaient plus à tirer de leurs puits artisanaux, à un moment donné ils ont décidé de bloquer l'usine. C'était en mars 2020 de l'année dernière, il me semble. Et du coup, suite au blocage, ils ont fait plusieurs mois de blocage avec un campement permanent pour le bloquer. Et le 8 août dernier, qui est le jour d'anniversaire de la naissance de Zapata, ils ont décidé, après des consultations dans tous les villages des alentours, d'exproprier l'usine. Et donc, ils ont exproprié l'usine, ils ont par décret des villages, et puis ils ont décidé de le transformer en centre communautaire, la Casa de Pueblos, comme ils disent, la maison des peuples. Et d'en faire un lieu d'activité, de ressources, pour les villages des alentours, mais aussi pour des rencontres des communautés indiennes au niveau national, international, etc. Voilà, ils ont fait appel à des scientifiques, ils ont fait énormément de rencontres sur place, des rencontres culturelles, ils ont fait, là, ils venaient de faire des rencontres contre les gazoducs, plein de choses comme ça. Et voilà, et du coup, dans la nuit du 15 au 16 février, donc il y a quelques jours, il y a eu plus d'une cinquantaine de camions qui ont débarqué, parce qu'il y avait une plainte effectivement de Danone au niveau fédéral pour faire intervenir les forces de police pour récupérer l'usine. Et du coup, le gouvernement, tant de l'État de Puebla que du gouvernement fédéral de López Obrador, ont envoyé les forces militaires, en l'occurrence la garde nationale et la police de l'État, pour mettre fin à cette réquisition, cette expropriation, et pour récupérer l'usine pour le compte de Danone. Donc depuis, là, il y a un peu un appel général qui a été lancé. Par le Congrès national indigène, par les zapatistes, et puis du coup relayé un peu en Europe pour protester contre ça, pour dénoncer Danone, pour se solidariser avec les communautés, du coup les villages nahuas de cette région-là, de la région de Cholula, de la région des volcans, qui luttent contre Danone. Donc là, il y a de plus en plus d'appels, un peu, il y a des appels à mobilisation, des appels à dénonciation, à signature. Et voilà, il y a donc dénoncé concrètement Danone, que ce soit devant ses sièges ou que ce soit devant les ambassades voilà. En tout cas, c'est une situation qui se vit un peu partout au Mexique, avec différentes, mais ailleurs aussi dans le monde, avec plein de multinationales qui viennent sur place et qui se comportent, déjà si elles se comportent mal chez nous, voilà, qui viennent piller un peu partout, tout ce qu'elles peuvent piller, quoi. Voilà, le contexte un peu, et puis c'est un peu les dernières nouvelles un peu du Mexique. Elles sont pas meilleures forcément au Chiapas, où les gens ils résistent à des groupes paramilitaires, etc. Mais c'est aussi important parce que bah, ça fait partie ouais, de l'importance en fait des investissements internationaux qui sont faits là-bas et un peu dans l'indifférence ou dans l'ignorance, quoi. Et donc, du coup, c'est important de pouvoir en parler, de pouvoir dire ce que les gens sur place dénoncent. C'est ça, et bah merci beaucoup pour toutes ces informations. Et du coup, toujours lié au Mexique, un peu plus tard, on aura aussi une camarade de Stop EDF Mexique qui va nous parler des méfaits d'une autre multinationale française au Mexique, EDF. Mais avant, on va faire une petite pause musicale, et puis je crois que tu voulais nous parler aussi du sommet Europe-Afrique. Ce sera après la pause musicale. J'ai combattu auprès du Tché dans la Sierra Maestra. Versé des larmes quand ils l'ont tué, fait de même pour Zapata. Sous le poids de 500 ans d'oppression, mes veines se sont ouvertes. Et parcouru une histoire populaire américaine aux côtés des Famous State. Épousé la révolte de Jackson et vu devant mes yeux la mort. Connu l'histoire du Black Panther, parti auprès de Newton et crié mort au port. J'ai haï les matins plus de 20 ans comme Jean-Marc Rouillant. Entre grève de la faim et torture blanche, sans repentance et sans reniement. J'ai pleuré, crié, espéré, lutté pendant la guerre d'Espagne. Me suis réfugié avec des basques dans les villages de Bretagne. Porté le drapeau de la CNT dans la colonne de fer. Me suis enfui du bagne de Cayenne avec au pied les fers. J'ai affronté Big Brother en 1984. Combattu dans les milices du boom avec Orwell. Dans la crasse des tranchées face aux attaques. Monté des barricades pendant la commune de Paris. Dos au mur comme les fédérés, la tête haute devant les fusils. J'ai crié Yabasta le 1er janvier 94. Bouffé 6 ans de tôle avec mon père et les Tupamaros. Pris d'assaut l'ambassade du Japon avec le MRTA. Levé la calache et le poing en hommage à Nestor Serpa. J'ai connu Bader, la RAF, les Brigades Rouges et les CCC. Que les vive la Palestine auprès des militants du FPLP. J'ai vu Carlo Giuliani tomber sous les balles de la police du capital. Concentré tellement de rage dans mes putains de veines. Prêt à exploser comme un black bloc à Seattle ou à Gênes. J'ai arpenté le couloir de la mort auprès de Léonard Peltier et de Mumia. Lutter pour l'indépendance du Sahara et crever dans les prisons de Kenitra. J'ai eu les mains tranchées comme Victor Jara. Et ma guitare s'est transformée en une calache contre les paras. En novembre 2005, je me suis révolté dans les cités de France. Épaulé par une jeunesse en colère et méprisé depuis l'enfance. J'ai foutu le feu à ma cellule dans ce putain de centre de rétention. Soutenu la lutte des sans-papiers, manifesté contre les expulsions. Gardé la tête haute sous les sifflets des ouvriers français. Laissé peu de place à la consternation. Fils de prolo étranger, héritier des luttes de l'immigration. J'ai côtoyé la misère dans les bidonvilles de Nanterre. Me suis noyé dans la Seine le 17 octobre 61 avec plus d'une centaine de mes frères. FPP 106.3, la jungle des luttes. Ce soir du coup on est toujours avec Thomas et il voulait nous parler aussi à côté des actualités du Mexique de ce qui se passait ici et notamment lié au sommet Europe-Afrique. Bah aussi voilà parce que c'est important aussi d'en reparler là peut-être rappeler que et c'est peut-être pas ça peut-être pas eu trop de retentissement dans tous les médias mais ce jeudi et vendredi dernier il y avait un sommet Europe-Afrique présidé par Emmanuel Macron puisque Emmanuel Macron il est à la tête du Conseil de l'Union européenne là en ce moment depuis janvier et donc l'un de ses principaux objectifs c'était d'impliquer un peu l'Europe comme la France est impliquée bah, en Afrique de l'Ouest, que ça soit au niveau militaire, que ça soit au niveau de la prédation économique, enfin de la défense du coup en fait des intérêts on va dire des intérêts français en Afrique. Et donc voilà, il y avait ce sommet Europe-Afrique dont l'un des principaux objectifs pour Emmanuel Macron, c'est d'augmenter le contrôle des frontières de l'Europe contre les migrants. Et un peu dans ce contexte-là, et depuis Le sommet passé, France-Afrique, qui avait lieu à Montpellier en octobre dernier. Il y a aussi les collectifs sans-papiers qui sont venus et qui cherchaient à protester en octobre dernier, donc au sommet France-Afrique, qui avait voulu répondre à l'appel d'Emmanuel Macron, qui disait vouloir s'adresser à la jeunesse africaine. Donc, du coup, les collectifs de sans-papiers, notamment de région parisienne, avaient voulu aller sur place pour parler de la condition de la jeunesse africaine aujourd'hui, qui se retrouve à devoir traverser la Méditerranée, qui se retrouve à vivre dans des conditions d'exploitation et d'infra-humanité en France, dans des conditions épouvantables. Et malheureusement, ils avaient déclaré leur manifestation à Montpellier, ils avaient déclaré leur manifestation au ministère de l'Intérieur et c'était parti de Paris pour ça. Et en fait, en arrivant à la gare de Montpellier, il y avait un comité d'accueil plein de flics en civil qui les attendaient. Et malheureusement, il y a 8 personnes qui ont été arrêtées à ce moment-là, à la descente du train, dont 5, et donc au final, il y a 5 personnes, dont 4 du collectif de sans-papiers de Montreuil, une du collectif sans-papiers 75, qui se sont retrouvées avec des bannissements administratifs. Ça veut dire concrètement une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire, qui en gros les condamne à ne jamais être régularisés tant que cette mesure n'est pas levé par le ministère de l'Intérieur français, ce qui est extrêmement dur, puisque déjà que c'est dur d'être sans papier, de travailler sans être reconnu, en plus d'avoir aucune chance d'être régularisé à vie. C'est vraiment juste pour avoir voulu manifester, pour avoir voulu parler publiquement de ce qui se passe et ce que vivent les sans-papiers, c'est quelque chose d'extrêmement dur. Du coup, il y a une manifestation vendredi dernier pour dénoncer ça. Ça fait un moment qu'il y a une petite campagne un peu pour justement ce qu'on appelle les 5 de Montpellier. Et donc, on invite un peu tout le monde et on a relayé un peu dans le réseau zapatiste aussi, parce que les zapatistes ont marché aux côtés des sans-papiers. Que ça soit en juillet dernier quand l'escadron zapatiste est venu, ensuite en octobre quand les délégations zapatistes sont venues en automne, elles ont marché aux côtés des collectifs sans papiers pour dénoncer cette répression qui a eu lieu à Montpellier. Et ça nous semble important aussi de continuer à rappeler que c'est important de se solidariser avec ces camarades-là qui subissent des conséquences très dures, d'écouter leur voix, d'écouter ce qu'ils ont à dire sur la France-Afrique, sur le pillage actuel du Mali, sur la guerre, et de lutter à leur côté pour les défendre face à la répression qui s'abat sur eux. Donc on vous invite à aller voir tant sur le site du CSPCL que par exemple sur le site de la campagne anti-racisme et solidarité ou sur le Facebook du comité sans papier de Montreuil, où vous trouverez plus d'informations, de relayer, de signer, de solidariser, parce que c'est important aussi d'être solidaires les uns les autres par rapport à la répression. Merci Thomas, et du coup après une petite pause musicale, on va repartir sur le Mexique avec les multinationales françaises qui sévissent, dont EDF, mais merci pour tout ça. Pause musicale. Comienzo de la vida no estuvimos no exentas del poder, del control, de los privilegios. Mi clase, mi raza, mi cuerpo, mi biología, mi salud o no mental, mi forma funcional. Mi orientación sexual, mi género, mi expresión de mi forma de amar, mi visión del espacio, el tiempo. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿Quién señala a quién? Descubrí tus monstruos y ahora te vas al infierno. Me llamo Diana, madrina no te prendida. Vengo a confesarme de mis errores en vida. Que la potestad del feminismo sea testigo. Yo te creo, hermana, yo también he agredido. Yo también he sido invasiva, acepta mi rol de poder y me he venido arriba. He traspasado límites, el cuerpo la sigue. Hice sentir incómodas hermanas con palique. He dejado tiradas a mis compas en las malas. Me excusa con mi necesidad de libertad. He soltado palabras que han herido como balas. Me he quedado callada cuando hablaré de justicia. María purísima, con poder concebida. Quisiera el sacramento de la penitencia en vida, por todas las veces que cometí violencia y no lo sentía. Soy impía desde el día en que tomé conciencia que ejercía herejía. Le miro la cara al dolor, paro el paso y le canto saeta a la opresión. Me creí santificada por mujer precaria y lesbiana, dentro de mí una enemiga cis y blanca. No tengo un pelo de santa, siempre con la guapa, la flaca, ¿me explico? Tanto feminismo pa' un desierto normativo, tanto discursito pero al final intoxico. Se han roto relaciones por falta de cuidado, con el machi de turnos a ratos empatizado. A veces a las compañeras las he cuestionado, por el amor sí, pero del mal llevado. Santa María, madre de todo, ruega por nosotras pecadoras en confesión. Hoy oprimida sí, mañana opresora. No soy digna al feminismo, darme la excomunión. Mira hermana, sé que soy una aro blanca. A veces escribí insulté por la cara. Me tardé mucho con el que no cambiaba. Yo fallé con machos, con un frida atravesado. Sé que pecaré. Voy a reventarme la voz en dos meses y luego ni se acuerden que esta vez come. Quéjate 24-7, obsesionada por el arte. Quiero ser perfecta, pero sé que eso no existe. FPP 106.3, la jungle des luttes, le programme de radio qui vous est proposé par le CSPCL, le Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et aujourd'hui, on reçoit maintenant Mathilde du collectif Stop EDF Mexique qui va nous parler, après avoir parlé en fait, avoir entendu Thomas qui nous parlait des multinationales françaises qui sévissent au Mexique, notamment Danone et Saint-Gobain, et on va maintenant parler d'une autre multinationale qui elle aussi fait des dégâts là-bas, EDF. Et ça fait le lien aussi avec le dernier communiqué zapatiste, puisque dans leur dernier communiqué, ils parlaient justement de leur opposition à tout ce qui est en train de se passer avec la militarisation de l'isthme de Tehuantepec pour imposer en fait le méga projet de corridor interocéanique, donc ce couloir industriel qui veut être construit, qui relierait l'Atlantique au Pacifique. Et du coup, ils dénoncent aussi l'occupation illégale des terres des communautés indigènes pour ces projets. Et donc parmi ces projets industriels, on retrouve des projets de parcs éoliens industriels, dont un qui est porté par EDF. Du coup, Mathilde, est-ce que tu veux nous présenter ton collectif et nous en dire un peu plus sur ce projet d'EDF dans l'isthme de Tehuantepec et qui serait a priori le quatrième parc éolien industriel d'EDF dans la région? Alors oui, salut à toutes et tous. Qui écoutent la fréquence, Paris pluriel. Alors, le collectif Stop EDF Mexique, c'est un collectif de solidarité internationale avec les membres de la communauté de Union Hidalgo qui sont en résistance contre le quatrième parc éolien appartenant à EDF, un projet qui s'appelle Gunasikalu, qui a été appelé comme ça en reprenant la langue zapothèque et signifie « jolie femme ». Donc voilà, nous avons aussi eu l'occasion d'organiser une tournée d'information l'été précédent, donc en 2021, pendant un mois et demi, en invitant trois camarades de la région et de l'Assemblée des Comuneros et Comuneras de Union Hidalgo à venir dénoncer ce qu'il se passe sur leur terre communale avec l'imposition de ce parc, de ce projet éolien qui représente un énième parc dans une région où il y en a déjà plus de 29, donc avec une totalité de plus de 2000 éoliennes concentrées vraiment dans un même espace et accaparant, privatisant des terres d'usage collectif et de droits collectifs, donc des droits qui ont été reconnus, notamment à travers la résolution en 1964 des, des terres communales et donc appartenant à l'annexe, enfin au noyau agraire de Juchitán. Donc c'était la ville dans les années 70 qui possédait une assemblée communale avec la représentation des biens communaux, donc cette figure, cette autorité agraire qui permettait à travers la, la participation des comuneros y comuneras, donc les usagers, on va dire, les personnes qui avaient des droits sur l'usage des terres et pouvaient participer à la prise des décisions. Donc cette assemblée a été, et le statut des terres a été reconnu en 1964, suite à quoi le représentant des biens communaux a été assassiné, ce qui a accéléré à ce moment-là la privatisation, le démantèlement des terres collectives et a favorisé la, la, la croissance des petits propriétaires terriens qui peu à peu, avec l'arrivée des parcs éoliens et des entreprises étrangères dans cette région-là, ont commencé à avoir des contrats, etc., pour permettre l'installation de ces parcs. Donc c'est une question très, très, très, très complexe. En tout cas, EDF donc, arrive avec son quatrième projet éolien, donc en 2015, en créant la, la, sa filiale Eólicas de Oaxaca, et avec pour projet de produire 252 MW avec à la base une autorisation pour des éoliennes au nombre de 252, il me semble. Donc sans même avoir lancé une consultation indigène qui est rendue obligatoire par l'article 169 de l'Organisation internationale du travail. Donc à ce moment-là, des contrats donc illégaux entre, entre notaires, entreprises intermédiaires en lien avec EDF et les représentants de ce projet-là et des énergies renouvelables dans l'État Oaxaca ont, ont permis la, la signature de ces contrats, donc sans même avoir eu l'accord au préalable de l'ensemble de la communauté. Ce qui a mené les membres de l'Assemblée communautaire de se positionner contre l'imposition de ce parc éolien et d'exiger déjà la, la consultation libre, préalable, informée et culturellement adéquate. Donc voilà, dans un climat où il y avait déjà énormément de violences multiples, notamment à l'encontre des personnes qui s'opposaient et qui s'opposent toujours à la construction de ce quatrième parc éolien. Donc suite à quoi il y a eu beaucoup de enfin la, il y a eu plusieurs recours juridiques, la consultation a été donc initiée par la le secrétariat de l'énergie, qui est l'institution qui est obligée, une fois après avoir accordé, enfin normalement ça serait avant d'accorder un permis pour un projet tel, de en amont organiser une consultation indigène, donc qui est principalement organisée ben, par la même entreprise, les personnes impliquées et qui ont des intérêts, donc aussi la municipalité corrompue. Et donc ces consultations connaissent énormément de failles, de violences, d'irrégularités multiples et dans un climat de violence, d'humiliation, de non-respect des droits humains, on pourrait dire. C'est ce que vous dénonciez du coup dans votre dernier communiqué il y a quelques semaines, puisque du coup il y a eu, c'est ce que vous expliquiez, la reprise du processus de consultation pour le projet qui avait été du coup mis en pause depuis quelques temps. Est-ce que tu veux nous en dire plus là-dessus et pourquoi du coup, enfin là tu viens de nous donner des éléments du coup pourquoi s'opposer à ces consultations si elles sont menées de la sorte, mais tu veux peut-être nous en parler. Oui. Alors, donc oui, on a effectivement écrit un communiqué dans l'urgence puisque en début de l'année 2022, enfin en janvier, là, début janvier, le maire de la municipalité d'Union Hidalgo a convoqué à une assemblée pour poursuivre la consultation indigène et poursuivre avec la phase délibérative et décisionnelle, c'est-à-dire le moment pour prendre et accepter ou refuser et rejeter le projet de parc éolien, sachant que dans ce contexte où il y a vraiment une aggravation de la pandémie, enfin voilà, il y a une hausse de 200% des contagions. Donc aussi les recommandations des instances de santé de ne pas organiser des grands rassemblements dans un contexte où il y a eu déjà plusieurs recours juridiques, dont un au niveau agraire, donc qui reconnaît en fait les terres communales et a déjà acté pour suspendre le projet, l'avancée du projet et de toute consultation tant que ça considère et ça impacte des terres communales. Donc c'est vraiment le nœud du conflit qui est dénoncé par les membres qui s'opposent à ce projet-là. Mmh. Et donc il y a eu toute une autre série de procès, notamment en France, au tribunal de Paris, etc. Et malgré cela, il y a eu une convocation donc en janvier prévue pour le samedi 22 janvier, donc sans présentation de l'acte qui donnait l'autorisation au maire de convoquer cette assemblée. Donc il y a eu un recours juridique aussi pour exiger l'accès à l'information vérifiable et légale. Chose qui n'a pas été acceptée. Donc voilà, une convocation qui n'est pas soutenue par le secrétariat de l'énergie. Donc voilà, il y a vraiment un sentiment de la part des membres défenseurs des territoires d'Union Hidalgo qui affirme que voilà, on peut vraiment voir une corruption entre les autorités locales, fédérales et nationales dans toute cette histoire. Donc finalement, la convocation a eu lieu même avec des avertissements. Cette assemblée, enfin, il y a 150 personnes qui sont venues, alors que normalement la moitié des électeurs de la ville sont censés y participer, donc ça veut dire 4500 personnes, électeurs, électrices, sur lesquelles, donc il y en a 150 qui sont venues, c'était pas suffisant, il n'y avait pas le quorum. Donc ça a été décalé à la semaine suivante, au samedi 29 janvier. Et suite, donc la deuxième, enfin le report de l'assemblée a réuni 800 personnes. Et c'est ce que vous expliquiez, c'était en fait, et c'est pas la première fois qu'on voit ça, c'était que déjà en 2020, il y avait des camarades de votre collectif qui avaient été présents, et ils avaient vu que lors d'une consultation à ce moment-là, c'était exactement la même façon de procéder, avec une première assemblée qui rassemble personne, avec aucun moyen, et une deuxième assemblée exceptionnelle cette fois, où là, a priori, il y a plein de personnes qui ont été motivées pour venir et pour lever la main. Et c'est ça que vous expliquez dans le communiqué, c'est... Oui, tout à fait. Bah, c'est vraiment ce qu'on dénonce, parce qu'au final, avec très peu de participation, beaucoup de corruption, des gens qui sont payés pour venir lever la main, des jeunes aussi, des ados à qui on demande de se rendre là-bas sans savoir ce qui se passe et sans avoir connaissance du contexte, vote à faveur. Et c'est souvent les propriétaires qui ont déjà signé des contrats avant qu'il y ait eu cette consultation qui a été initiée et qui avait déjà des intérêts et qui attendent juste d'avoir les parcs construits pour pouvoir commencer à recevoir leur revenu, on va dire leur, leur rente. Bah oui. Voilà. Donc, c'est des personnes qui viennent facilement avec, avec leur femme, les gens de la famille, les amis, voilà, pour voter à faveur. Et dans tout ça, très peu d'espace dans lesquels c'est possible pour les gens qui s'opposent d'exprimer leur opposition, puisque le climat est très, très violent, avec des menaces, des diffamations. Donc voilà, et suite à cette, ce report d'assemblée, ça a été accepté, en fait. Le projet a été validé, du coup. Ça a été validé, voilà. Et suite à quoi les membres qui font partie du comité de résistance de la communauté de Unión Hidalgo, avec un organisme qui s'appelle PRODES, qui est un soutien juridique avec des avocats, etc., qui accompagne la résistance, on va dire, rapidement, ont organisé des journées d'information par rapport à ce qui se passe pour dénoncer, en fait, tout ça aussi en lançant une campagne de presse donc dans la ville de Oaxaca, suite à quoi un représentant de l'Assemblée de Comuneros a été menacé. Enfin voilà, il y a eu des coups de feu, enfin des menaces. Et donc ce qu'on peut dire, on ne sait pas si c'est directement en lien, mais le climat est de plus en plus violent. Et c'est très de plus en plus complexe pour les personnes qui s'opposent de pouvoir l'exprimer et de même pouvoir se déplacer librement sans crainte. C'est ça. Donc, voilà, ça c'est ce que je peux dire pour l'instant par rapport à toute la situation. Ben merci beaucoup. Et puis je voulais juste vous poser une dernière question sur le fait que la tournée du coup que vous aviez aussi organisée donc l'été dernier avec les trois camarades de l'ISM d'Union Hidalgo, elle s'appelait la tournée des luttes dignes contre le colonialisme énergétique. Et c'est ça qui est hyper intéressant aussi, c'est donc cette lutte elle est aussi symbolique de tout ce qui se joue au niveau mondial à l'heure actuelle, quoi, avec ce concept de colonialisme énergétique. Est-ce que tu peux nous en dire plus et qu'est-ce que ça recoupe, ça, et qu'est-ce qui est dénoncé là-dedans, en fait? Oui, effectivement, ben, on a donné ce nom à la tournée qu'on a réfléchi vraiment avec les camarades, justement dans l'idée de construire une critique collective autour de cette notion de colonialisme énergétique, qui est vécu d'une certaine manière selon dans quelle géographie on se situe. Et pour nous, c'était hyper intéressant de recevoir et de construire cette critique avec des personnes qui vivent directement les conséquences de la dévastation et de l'accaparement des terres et de la destruction des peuples et des territoires par des méga-projets, des entreprises... des multinationales de l'énergie. Au nom, en plus, de la transition énergétique, comme ils l'appellent, donc c'est aussi l'ironie de la chose. Oui, voilà, et en plus, de fait, par des nombreuses entreprises qui profitent justement du contexte et du développement des énergies renouvelables pour en faire un nouveau Graal à conquérir et qui justifient toutes les méthodes. Et voilà, et face à ça, dans les mouvements écolos, c'est très courant de rencontrer des discours vraiment à faveur des parcs éoliens. Par biais, qui soutiennent aussi une nouvelle forme d'extractivisme minier et d'accaparement, destruction des terres, aliénation des droits, etc. Et c'est ce que vous expliquez. Donc, même dans le communiqué, c'est ce que vous dites, quoi. C'est quand même fou que, grâce à l'argument de sauver la planète et de participer à l'effort collectif contre le changement climatique, au nom de ça, on se permette de faire subir tout ça à des communautés qui, elles, n'y ont jamais contribué, en fait, et au contraire, sont la réelle solution, en fait, à ces problèmes-là. Et ce que vous expliquez aussi, c'est d'ailleurs que cette électricité qui va être produite grâce à ces parcs éoliens, elle ne bénéficie même pas, en fait, aux populations. Donc ça, c'est un des autres aspects, effectivement. L'entreprise EDF compte bien évidemment ben, profiter du réseau d'électricité et de transport national et de distribution, donc c'est la Commission fédérale d'électricité, mais qui n'est pas du tout, en tout cas actuellement, à faveur de ça. Enfin voilà, il y a tout un contexte de réforme énergétique et en ce moment au Mexique. Voilà, bon, nous on n'est pas les plus informés là-dedans, mais en tout cas c'est un gros thème. Et effectivement, la plupart des parcs éoliens qui produisent de l'énergie, qui sont déjà actifs, ne produisent pas cette énergie pour les populations locales. C'est principalement des parcs privés pour alimenter des chaînes d'industrie. Et d'autres multinationales, c'est ça l'ironie. Des magasins, des groupes commerciaux, en fait, étrangers, multinationaux et mexicains. Effectivement. Donc en tout cas pour Unión Hidalgo, c'est sûr que la population continue à payer des tarifs d'électricité très très élevés et n'aura jamais accès à l'énergie qui est produite sur place. C'est du bluff, que du bluff, fausse solution. Donc c'est tout ce que par le biais de la critique du colonialisme énergétique on essaie de construire et de réfléchir ensemble. Ben merci beaucoup Mathilde pour tout ça. Et est-ce que tu veux nous orienter vers des ressources pour pouvoir vous soutenir, comme petit mot de la fin? Oui, alors j'essaie aussi de réfléchir si j'ai pas oublié ou omis des éléments très très importants. En tout cas, si vous êtes intéressé par cette thématique, si ça vous touche, vous voulez contribuer, etc., vous pouvez nous contacter donc par le biais de Facebook, voilà, hélas, on en est là. Donc, Stop EDF Mexique sur Facebook. On a aussi un blog Mediapart qui possède le même nom, où on essaie de publier. Bon, on n'est pas très actif non plus là-dessus, mais voilà. Vous pouvez nous écrire à notre super mail aussi pour demander à être inscrite sur, dans notre mailing list. Donc, il suffit d'écrire à Stop EDF Mexique, tout attaché. @riseup.net. Voilà, c'est pas compliqué. Et on vous invite évidemment à diffuser le plus possible ce qui est en train de se passer, à vous informer le plus possible aussi sur tout ce qui implique le développement de ces projets partout, en fait. Qui ça touche, à qui ça bénéficie, quels impacts en fait sur quelle population. Donc voilà. Merci. C'est pas simple. Bah, merci beaucoup. Ouais. Vas-y Mathilde. Non, j'allais dire, je crois que c'est tout là. Et puis envoyez des messages de solidarité aux camarades. Donc vous pouvez nous écrire, on peut leur transmettre, nous rejoindre pour aider à faire de la traduction aussi. Partagez vos réseaux, vos médias, si vous écoutez et que vous faites partie de médias. Voilà, on a vraiment besoin de diffuser un maximum. Et il y a aussi des actions à mener directement auprès du haut pouvoir de la pyramide. Enfin, voilà... les PDG des différentes instances d'EDF, toucher des députés européens ou en France, etc. En tout cas, visibiliser la thématique le plus possible, surtout à l'heure des élections qui approchent et qui vont mettre un paquet au niveau écologie et donc potentiellement aussi légitimer encore plus l'accélération de tous ces projets. En fait, il y a vraiment besoin de communiquer là-dessus et de mettre en garde, quoi. Bah, merci beaucoup Mathilde et on espère que ce programme du coup de radio va contribuer à cette diffusion-là. Et du coup, après une petite pause musicale, on aura aussi l'occasion de parler avec le chef coutumier du village de Prospérité en Guyane, qui va nous parler de choses un peu similaires qui se jouent en fait non seulement au Mexique, mais en réalité aussi dans les territoires colonisés de la France, donc y compris en Guyane. avec bah, qui était pourtant connu pour, jusqu'à maintenant, plutôt pour, on en avait entendu parler avec l'extractivisme minier, avec la montagne d'or et tout ça. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ces projets d'extractivisme minier, ils sont intrinsèquement liés avec voilà, ces projets pseudo-renouvelables, mais qui en réalité reproduisent les mêmes logiques d'accaparement des terres, notamment des peuples autochtones. Et c'est donc Roland Javéré, le chef coutumier de Prospérité, va nous parler dans quelques instants. Mais merci beaucoup Mathilde. Pause musicale. Merci à vous, à bientôt. Je mets ces connards au défi de vivre ce connard et leur connasse, devenir voir ce qui se passe. Le bateau coule, c'est nos rames contre leur fouet. Fuck la misère, le maire, le préfet de police et le commissaire. Ils disent nous représenter, mais connaissent quoi de nos existences? Sont-ils déjà venus dans nos rues histoire de voir ce qui se passe? À moi seul, je te représente plus que ton député, tes sénateurs, ministres, autres fils de. C'est sinistre, on ne demande pas la lune, mais des logis décents. L'État nous répond par quoi? Des flics abusent du pouvoir lors des descentes. On demande pas grand chose, des emplois, l'État nous répond avec quoi? Nous envoie quoi? Des CRS, des convois. Faudrait qu'on les pleure quand ils meurent avec bravoure. Qu'on tire un trait sur les nôtres, partis suite à leur bavure. Pensaient-ils aux conditions de vie en prison avant qu'un docteur me donne l'alerte? Quand il fait des suicides et des lettres, je tresse mon doigt le troisième face à leur système. Si tu te sens, fais-en de même, l'État récolte ce qu'ils sèment. Me demande pas de voter, je reste politiquement incorrect. Je compte que sur moi pour vivre, du moins pour être. Je suis pas un poète, qui sait où je serai dans 10 ans? Peut-être à l'abri ou dans leur cellule de prison. À traîner dans ces mêmes rues, devant ces mêmes bâtiments. Attendant d'être frappé de la grâce de Dieu ou de son châtiment. Je prends parti pour les miens, mais j'ai rien d'un prophète, d'un messie. Rien d'un voyou comme Spadjari ou Mesrine. Je suis pas un mesquine, j'ai que mon rap comme exutoire. La rage en moi est contre celui qui a le pouvoir exécutoire. Je les mets au défi de vivre un jour ce qu'on a. Au défi de venir sentir et voir ce qui se passe en bas. Au défi de venir vivre ce qu'on vient en lieu et place. Au défi de venir prendre la température d'ambiance. Non, bah arrête de te rédire, on t'a vraiment emballé dans le cul. Le pire, notre acharnement de Paris ridicule. Respire, on ne compte pas sur toi pour réussir. FF, c'est qu'un peu d'anarchie dans ton empire. En bref, tu descends pas du siège mais du vampire. Tu peux jurer, tu sais mentir, tu peux juger mais c'est tant pis. Peut-être tu tuerais pour te remplir les poches. Si tu dormais dehors comme ceux qui appellent les cloches. Elle est chaude et froide ma vie, mais comment baisser les bras? Si la chance passe vite, faut lui donner au lieu de baiser les draps. Et je suis toujours pareil, avant qu'ils nous abattent, c'est toujours pareil. Honneur aux zinzins, ce qui aime la vie de rue est alpin. Chacun défend ses biens, reste de se fait dans le bain. Ce monde pas en live, on s'interroge grave. La situation s'aggrave, on sait qu'il y a plus rien pour être brave. Bonté divine, c'est la merde sur terre, sur ma mère. Dites-leur que nous sommes tous mortels et respirons le même air. Et snob, ouvre les oreilles, ne nous cherche pas querelle. Vu qu'on prend la famille, on se bat pour elle. Partout dans le globe, pour une autre plombe. Si tu savais tout ce qui se trame dans l'ombre, peut-être qu'à cette heure-ci, ils fabriquent des bombes. Mais combien de gens souffrent, combien sombres. C'est pas nos chansons qui les feront vivre, mais les grosses sommes. Le peuple stresse pendant que le chef d'État se détend. Bah, ils combattent la détresse, mais leurs mains veulent briser des détentes. Des certes fesses qui distinguaient des stress. Dans pas longtemps, on va tout déglinguer. J'espère qu'un jour tu pourras entendre ce texte. Avant de nous cataloguer, viens dialoguer avec les pestes. On va te faire rêver comme personne t'a fait rêver. Tant que nos cœurs on est rien pour les gens. Et si l'État nous a pas, on entre dans la légende. Ils nous détestent et désirent qu'on se taise. Mais les frères qu'on teste, est-ce que c'est des foutaises? Plus on combat la détresse et la peine, plus on les blesse. Plus y'a de flingues, plus y'a de détente, plus on les presse. Tant que nos cœurs on est rien pour les gens. Et si l'État nous a pas, on entre dans la légende. Tant que nos cœurs on est rien pour les gens. Et si l'État nous a pas, on entre dans la légende. Ils nous détestent et désirent qu'on se taise. Mais les frères qu'on teste, est-ce que c'est des foutaises? Plus on combat la détresse et la peine, plus on les blesse. Plus y'a de flingues, plus y'a de détente, plus on les presse. Tant que nos cœurs on est rien pour les gens. Si l'État nous a pas, on entre dans la légende. Ils disent qu'ils veulent pas de drogue, mais laissent rentrer son argent. Sans arrêt des contrôles pour ne pas laisser rentrer les gens. Fracasser les portes d'une église pour chasser de sang noir. Peine de mort abolie, mais ils tuent quand même de sang froid. Le temps appelé ça faire son devoir. Mettre des familles dehors qui dorment sur des trottoirs. Ils ont tellement fliqué le territoire que vouloir se révolter devient illusoire ou dérisoire. Vont-ils récolter le fruit de notre haine? On connaît que la moitié de l'histoire. Comment veulent-ils que j'adhère à leur système? Et comment peuvent-ils crier victoire? Après les élections, ils se félicitent. Ils auront l'occasion de détourner l'argent public. Leurs enfants trouvent une situation assez vite. Pour nos gars, ils dérivent assez vite. CRS, RMI, AS, TGI. FPP 106.3, la jungle des luttes, ce programme qui vous est présenté par le CSPCL, le Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Je suis aujourd'hui avec le chef coutumier du village Prospérité, Roland Jabert, ce village qui est situé dans l'ouest guyanais, près de Saint-Laurent-du-Maroni. Roland vient nous parler de la lutte contre le projet CEOG, de Centrale Électrique de l'Ouest Guyanais. Et donc Roland, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous dire un peu en quoi consiste ce projet et pourquoi vous vous y opposez ou du moins demandez son déplacement? Bonjour à tous. Je me présente Roland Jabert, je suis le chef coutumier du village de Prospérité. Dans notre langue aussi, le village s'appelle Wupu. Wupu veut dire des petites collines, parce que le village elle est entouré des petites collines. Donc du coup, je suis chef coutumier depuis 2017. Voilà. Merci beaucoup Roland. Bien. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce fameux projet du coup de CEOG et pourquoi du coup vous êtes en lutte au village? Déjà le projet CEOG, premièrement, comme toujours, il y a un terrain. Donc où est le problème? Le problème c'est que Il n'y a pas eu de consultation. Donc le peuple, le chef n'a pas été consulté en 2017. Mm-hmm. Et puis l'État, les élus, ils ont pris leurs décisions entre eux. Donc c'est ça le manque, le mépris encore aujourd'hui, et j'appelle ça du mépris parce que on ne peut pas mettre un projet dans une zone de vie quoi, qui est à un kilomètre des chenilles. Déjà, comme j'ai toujours dit, si le maire s'avère qu'il y a un village à côté, il aurait pu venir voir l'ancien chef, quoi. Comme ça, on aurait discuté bien de l'emplacement. Mais alors que sur le sens inverse maintenant, comme si que voilà, il n'y a pas chef, on fait ce qu'on veut, quoi. Non, mais malheureusement, ça ne passe pas comme ça. Mm-hmm. Donc, le projet, elle est là. Donc, moi, comme j'ai toujours dit, j'ai pas confiance dans des projets pour des projets humains. Quoi. Il y a assez de la place, ici en Guyane, hein, ici où est-ce que je suis, il y a assez de la place pour mettre de tels projets. Quoi. Donc, selon l'information, c'est le plus grand. Quoi. Est-ce que vous pouvez nous redire, du coup, et est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu en quoi il consiste ce projet? C'est quoi exactement qu'il compte installer? Quel type d'énergie, justement, avec quel type d'installation? Bon, côté technique, hein, bon, je ne veux pas aller dans le profondeur du sujet, mm-hmm. parce que c'est un projet vert, comme on dit. Hein. D'accord, pour moi, déjà, le projet vert, ça va fonctionner avec de l'eau, mais technique, moi, je ne peux pas aller dans le vif du sujet, parce que c'est un projet vert. Ils disent qu'il n'y aura pas de pollution, il n'y aura rien du tout, quoi. Ouais, donc ça va fonctionner avec de l'eau et puis voilà, etc. Mais le but de ce bien, même des tels projets, on ne peut pas mettre dans un lieu de vie. Quoi. Bien sûr. C'est un projet qui est porté par Hydrogène de France, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. C'est un projet HDF. Hein. HDF, en partenariat avec la CEOG. Donc, je suis là. Après avoir signé leur document qu'on vient me voir, voilà. Donc après seulement que j'ai su ça, ouais, j'ai dit non, ça c'est pas normal, quoi. Ça c'est pas normal du tout. Et c'est là la colère encore une fois. Qui sont les chefs exactement? Ouais, quoi. C'est quoi un chef exactement? C'est pas un chef coutumier? N'est-ce pas celui qui gère son village? il a sa vision, il a sa pensée. Le chef a sa pensée, a sa vision aussi, quoi. Il sait réfléchir. C'est ça que vous dénoncez, en fait. C'est en fait ce déni du droit à l'autodétermination, de ce qui se passe sur vos terres, en fait. Et voilà. Et malgré que ce soit un projet soi-disant vert, et ben en fait, on retrouve toujours les mêmes logiques qui... Voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai encore dit, le peuple, il n'est pas opposé à ce projet-là. Non. Il est opposé à l'emplacement. L'emplacement. On est là dans le bureau, en train de voir sur la carte guyanaise, voilà, on va se mettre là. Mais, quand même, je pense qu'il faut que l'État vienne constater aussi notre mode de vie, quoi. Ou bien missionner quelqu'un pour venir constater sur le terrain vraiment qui sont les Amérindiens, quoi. Voilà, on regarde sur la carte, voilà, on va se mettre là. Non, moi, non, du tout, pas aujourd'hui. Parce que là, j'ai dit, dans un lieu de vie, je ne sais pas ce que ça veut dire lieu de vie, hein. Peut-être que je m'exprime mal, je ne sais pas. Mais moi, quand je dis un lieu de vie, ça veut dire que c'est là que les Amérindiens, nous les Kaliniens, c'est une zone de chasse. C'est des cueillettes. On fait de tout, quoi. La pêche. Donc c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui. Pour dire que non, mais ce projet ne va pas impacter. Mais si ça va impacter. Ça va impacter, c'est pas la forêt seulement, mais aussi, je pense que il y aura des forages partout. Donc, aussi les nappes phréatiques qui vont souffrir, quoi, avec. Le sous-sol va souffrir aussi, quoi. Donc, moi, je regarde tout ça. C'est ça, donc, c'est parce que... Oui, donc... Parce que ça serait en fait à la fois une usine à hydrogène et tout un parc de photovoltaïque, c'est ça. Donc, oui. Et donc ça toucherait vos ressources en eau, en fait, c'est ce que vous expliquez. Oui, tout. Ça va tout toucher, quoi. Bien sûr. Il y aura des îlots. Les îlots vont être clôturés et on n'aura plus accès sur notre lieu de baignade, déjà. Ça va tout impacter, quoi. Ça va changer quand même le village. Voilà, tout. Et moi, c'est pas ça seulement, parce que on me parle d'autres projets qui vont venir justement entourer ce village, quoi, dans le temps à venir. De ça, je suis au courant, quoi. Si je préserve pas ça, eh bien, ça veut dire que demain, le village va être totalement englouti par des projets, quoi. C'est ça, c'est la porte ouverte après à l'arrivée, voilà, de plein d'autres projets, oui. Et du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place pour la lutte? Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant pour tenter de résister? Là, déjà, on a beaucoup d'associations en métropole. Déjà, on travaille avec des associations ici en Guyane aussi. Et la Fondation Mitterrand aussi qui nous soutient. Hein. Et puis, il y a pas mal d'associations avec moi. Et aussi, ici, localement, il y a des associations aussi qui me soutiennent. Il y a les chefs coutumiers qui me soutiennent. Et puis, nous, on se pose physiquement aussi, hein. C'est d'accord, ça. Sur le terrain. On se pose physiquement aussi. Mm-hmm. Et puis, pacifiquement aussi. Voilà. C'est notre, on va pas aller dans la guerre, mais on va se poser physiquement, quoi. Bien sûr. Et ouais, c'est pour ça que vous avez mis en place des barrages, du coup, par exemple? Voilà, j'ai tenu des barrages aussi. Et puis, au Carrefour, hein, j'ai fait deux barrages pour faire comprendre aux Guyanais, aux Guyanaises aussi, que voilà, notre combat, c'est un combat légitime, quoi. Voilà. Ouais, je sais pourquoi je me bats. Voilà, c'est pas comme ça pour se faire plaisir, non. Je sais, parce qu'il y a un peuple, avec moi ici, quoi. C'est ça, est-ce que donc tout le village est derrière vous aussi et vous soutient dans cette lutte? Oui, le village, il y a des chefs d'autres villages qui me soutiennent. Hein. Donc on est unis, quoi. Mm-hmm. Une seule parole, j'ai dit on va dans ce combat-là. Quoi. Mm-hmm. J'ai dit non, c'est bon. On ne peut plus m'imposer des choses aujourd'hui. Quoi. Non. J'ai dit non, il faut se lever, quoi. Voilà, encore une fois. C'est pour ça que moi, juste aujourd'hui, je suis déterminé. Je vais aller jusqu'à mon dernier souffle, quoi. Voilà. Mm-hmm. C'est pour ça que je suis déterminé. Parce que là encore, quand je reviens dans le sujet de la CEOM, on m'a proposé beaucoup de conventions aussi, quoi. Mm. Des conventions avec France, il faut signer, chef, le plus vite possible, etc. Vous mettez là, un peu la pression. J'avais pas fait un pré-engagement, un protocole de négociation, quoi. Mm. Mais dans le protocole de négociation, ils disent aussi que si jamais quelque chose ne va pas, dans l'article 7, tu peux te retirer, quoi. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Voilà, tu vas, ça veut pas dire que j'ai signé OK pour dire OK d'abord, je suis d'accord avec vous. Ben non, du tout. J'examine aussi. Je fais ma propre vision. Est-ce que, voilà, c'est pour ça que j'ai dit non, il y a un problème. Tu vois, quand ils ont avec des précipitations, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière ça. Oui, oui. Ils veulent que tout accélérer pour ça, quoi. Passer en force. Quand on parle de la commune de Mala, mm-hmm. il y a beaucoup de soutien. Ça veut dire que si j'allais signer le vrai protocole de négociation pour dire OK, je suis d'accord, ça veut dire que le chef a dit quelque chose d'illégal, un chantier illégal. Parce que déjà, il y avait une étude qui a été amenée en 2018 aussi. Et puis, on a le biotope a fait un recensement de 33 espèces protégées, quoi. Le code de l'environnement, surtout, n'a pas été respecté dans sa totalité, quoi. Non, c'est ça aussi. Et là que je... Vous voyez un petit peu la situation? Donc, je fais appel, j'ai dit, pour aller dans le vif du sujet, dans leur document projet, et avec le juriste, M. Pierre Pontel, qui est en France. Mais, et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. La CEOG n'a pas respecté la totalité de code de l'environnement. Ils n'ont pas de dérogation aussi des 33 espèces protégées. Donc, l'Amérindien, encore, il est là, il ne sait rien du tout, qui va aller signer quelque chose d'illégal, quoi. C'est pour ça que je dis non. Ben oui, je suis là. On va respecter le code de l'environnement, quoi. C'est là que le piège. Parce que je ne sais pas, la Méringue ne sait pas le type de sujet, le profondeur de sujet même, quoi. Ouais. Donc, c'est ça que je me suis regrette, voilà, quoi. C'est ça le technique des porteurs de projets, des grandes industries comme ça qui sont malheurs de tourner le cerveau des chefs, quoi. J'ai dit non, ça ne passera pas comme ça. Et de l'autre côté, ici aussi, en Guyane, il y a bien sûr, il y a les élus aussi qui soutiennent le projet, quoi, parce que c'est une histoire d'argent. Moi aussi, je comprends le développement de la Guyane, je le veux, hein. Mais pas dans cette manière-là. Mmh. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ça le truc. Moi, je suis pour le développement de la Guyane. Mais pour faire développer la Guyane, tu ne peux pas mettre un projet à 1 km de chez moi. Parce que ici, c'est chez nous. C'est ça. L'emplacement vraiment, vraiment, dans le temps à venir, si le projet verra le jour, ça veut dire que ça va impacter une vie et puis la biodiversité. Donc là, on s'oppose à l'emplacement. Chercher un autre endroit. C'est ça, aujourd'hui, on cherche le dialogue. Mais le dialogue n'est plus possible. Le seul dialogue que j'ai, une solution, le déplacement de ce projet. Mm-hmm. Et votre 1,4 million, eh ben, vous déplacez, avec le 1,4 million, déplacez votre projet avec ça. Je n'ai pas besoin de 1,4 million. Gardez vos 1,4 million et puis vous déplacez le projet avec. C'est ça, parce qu'il vous offre... Il vous offre de l'argent, en fait. Ils essayent de vous acheter, quoi. Voilà, beaucoup me disent, monsieur, voilà, il faut accepter les 1,4 million. Votre village va développer plus vite que... J'ai dit non, je préfère avancer nature, quoi. Je ne veux pas avancer deux pas dans une journée, quoi. C'est pour ça, ça que fait sens, ouais. On a toujours vécu de façon autonome, parce qu'on avait, on a un projet aussi d'autonomisation. Le village a été toujours autonome, quoi. La mère indienne ne demande rien. C'est pour ça que le village, on a mis un peu, on a un plan d'autonomisation. Ça veut dire que nous voulons faire évoluer, faire avancer notre village de façon autonome. Donc c'est ça le, notre objectif aujourd'hui. Mon objectif avec le peuple, quoi. Eh bien, merci voilà beaucoup. Le sujet en ce moment où ce qu'on en est, c'est le temps calme. Je ne sais pas ce qui se prépare derrière, je ne sais pas. Mais je suis prêt. C'est ça, vous restez en lutte et sur le qui-vive. Et... ouais. Bah, bravo en tout cas pour votre combat. Et puis nous, on espère que voilà, en diffusant un peu cette information, eh ben, on puisse faire un peu plus pression aussi par chez nous. Et voilà, bah, merci en tout cas pour votre temps et à bientôt, Roland. Force à vous. J'ai besoin de, voilà, ok. J'ai besoin de votre soutien. C'est J'ai besoin de tout le monde, quoi. Parce que ce combat n'est plus seulement un combat amérindien, mais les personnes qui comprennent, parce qu'on parle souvent du climat, on parle de COP 26, mais le COP 26, ça sert à quoi? Je ne sais pas, quoi. C'est si ça sert pour couper des hectares, des états, ce n'est même pas la peine, quoi. On dirait que c'est un marché qui prend des promotions pour couper la forêt, quoi. Moi, je vois ça comme ça. Non, c'est sûr. On nous vend une solution qu'on n'est pas une. Voilà. Mais jusque-là, je pense que nous, on a été le meilleur gardien, quoi, de cette forêt-là. Parce que nous, on coupe rien. Voilà. Complètement. Bah, bon, merci encore. Et là, on va faire une petite pause musicale. Oui. Mais merci beaucoup, Roland. Donde manda capitán, muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado de faso, tomo sodeado, me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Da un asado de faso, tomo sodeado, me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis, de todo para todos, que esto es para compartir. Dice así, supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa, vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá, asado, me paso, como sodeado, me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y hago un asado, de paso, como sodeado, me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, pura facha. Que tengo y si no hay más, ¿cuál es? Asado de verdura, esto es fumiar rap contra toda dictadura. Todo lo que sos me parece una hermosura, no sea cabeza dura, vení, que esto es sabrosura. Hay un lugar entre las torres moderna de concreto, que nadie quede afuera, debería ser un decreto. Le saco la careta a este gobierno y su secreto. Fuck, no quiero más policía. Un asado, de paso, somos odiados. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Un asado, me paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo seré somos odiados. FPP 106.3, la jungle des luttes. Pour finir ce soir, je suis avec des membres du réseau d'entraide Vérité et Justice qui vont venir nous parler un petit peu de l'actualité du réseau et de la marche contre les violences d'État et le racisme systémique du 19 mars prochain. Et d'abord, on va commencer par un petit enregistrement de Fatou, qui est du comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng et du collectif Vivolé, qui font tous les deux partie du réseau d'entraide Vérité et Justice. Fatou. Bonsoir, je suis Fatou du comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng et du collectif Vivolé, tous deux membres du réseau d'entraide Vérité et Justice. En 2022, c'est la 26e année consécutive que l'appel du collectif opposé à la brutalité policière de Montréal est lancé pour faire du 15 mars la journée internationale contre la brutalité policière. En France, afin de rompre l'isolement, afin de dénoncer l'impunité des agents assermentés face à la justice et de rendre hommage aux victimes, les familles de personnes assassinées et les victimes blessées ont répondu à l'appel dès 2011 et se sont passés le relais depuis pour faire de la mi-mars le moment de convergence de toutes les personnes victimes de violences policières, pénitentiaires et crimes au niveau national. Au cours des années, les marches ont pris différents noms et n'ont pas toujours été initiées par les mêmes collectifs. Mais depuis 2018, qu'il pleuve ou qu'il vente, le réseau d'entraide Vérité et Justice, constitué d'une trentaine de familles de victimes tuées par la police et la gendarmerie, de familles qui ont perdu un proche tué en prison ou suite à des disparitions forcées et des personnes blessées et mutilées par les forces de l'ordre, porte l'organisation de cette journée en association avec des collectifs antiracistes et antifascistes, de personnes exilées et sans papiers réunies au sein de la campagne Antiracisme et Solidarité et de collectifs en lutte contre les violences d'État. Le 19 mars 2022, le réseau d'entraide Vérité et Justice s'associe à la campagne Antiracisme et Solidarité pour appeler à marcher toutes et tous ensemble dans toutes les villes et tous les pays pour faire bloc contre le racisme, les violences et crimes d'État. N'hésitez pas à suivre les informations sur les réseaux sociaux du réseau d'entraide Vérité et Justice et de la campagne Antiracisme et Solidarité. Nous remercions toute l'équipe de la radio ainsi que les auditrices et auditeurs. Eh ben, un grand merci à Fatou pour ça. Et du coup, ce soir, moi, je suis aussi avec deux autres membres du réseau d'entraide Vérité et Justice qui sont aussi dans le collectif Justice et Vérité pour Babacar Gaye. Et donc, ils vont nous donner un petit peu plus d'informations donc, sur ce qu'est le réseau et quelques nouvelles aussi des derniers cas de violences pénitentiaires et carcérales. C'est à vous. Salut. Alors, quelques infos de plus sur le réseau. Effectivement, il y a l'appel passé donc, là qu'on a entendu par Fatou pour se réunir toutes et tous le 19 mars. Alors, il y aura à Paris, mais il y aura dans d'autres villes de France et on espère aussi à l'international dans le cadre de cette campagne contre les violences d'État et le racisme systémique. Alors, nous, on est des soutiens au réseau d'entraide Vérité et Justice et on est aussi membre du collectif Justice et Vérité pour Babacar Gaye. Et Babacar est un jeune Sénégalais de 27 ans qui s'est fait tuer par la BAC en décembre 2015. Et du coup, depuis, sa sœur Awa porte le combat pour obtenir un procès, obtenir la vérité et la justice sur la mort de son frère. Babacar était une personne sans papier. Et du coup, il y a un croisement entre toutes ces violences d'État qui touchent à la fois des personnes noires, des personnes exilées, des personnes en précarité sociale, des personnes incarcérées, etc. Donc, il y a une vraie volonté de composer sur cette campagne avec toutes les personnes victimes de violences d'État. Par rapport au réseau d'entraide Vérité et Justice, ce sont des collectifs, des personnes endeuillées, blessées, mutilées, violées, humiliées, des personnes résignées à lutter contre les gouvernements séparatistes qui racialisent la société, qui cherchent à les anéantir par les discours nauséabonds, leur politique, depuis vraiment beaucoup d'années en France. Il y a une solidarité entre les opprimés et les réprimés qui s'est renforcée au gré du temps et qui permet d'identifier et d'harmoniser toutes les aspirations, les revendications qui animent le combat des différentes familles, des différentes victimes et collectifs. Donc toutes ces personnes-là s'unissent pour en quête de vérité en fait. Et du coup, dans le réseau, il y a donc autant de personnes victimes de violences policières que des personnes victimes de violences pénitentiaires, judiciaires, des personnes blessées et mutilées par la police. Ces derniers temps, du coup, il y a eu pas mal de rassemblements. On a un agenda qui est du coup... programmée entre guillemets par rapport malheureusement à toutes les tristes dates de décès, de violences subies par les personnes du réseau. Pour donner un exemple, ces derniers temps, en décembre 2021, il y a eu le procès de Mélanie, qui est membre des Mutilés pour l'exemple. C'est une association de personnes blessées lors des manifestations de Gilets jaunes. Mélanie, elle a reçu un coup de matraque par le CRS Dominique Caffin en avril 2019 lors d'une manif de Gilets jaunes. En 2019, en décembre, l'affaire a été classée sans suite. Mélanie s'est portée partie civile. Il y a eu un procès en décembre 2021 et c'est un procès qui a complètement relaxé le CRS Dominique Caffin. Force à elle, force aux mutilés pour l'exemple. Ensuite, en janvier, il y a eu la commémoration de Jimoni Rousseau, qui était une personne incarcérée à la prison de Meaux et qui a été tabassée par des agents pénitentiaires et qui est décédée le 2 février 2021. Depuis, sa compagne porte le combat et du coup est aussi membre du réseau d'entraide. Il y a eu la commémoration de Gaï Camara, qui est une personne qui a été tuée par la police à Épinay-sur-Seine en janvier 2018. La famille tente aussi d'obtenir un procès. Donc il y a eu une confirmation de non-lieu en cassation l'année dernière et la famille poursuit le combat et va se diriger vers la Cour européenne des droits de l'homme. Et on voulait vous parler aussi d'un rendez-vous important demain à 14h au TGI de Bobigny sur l'affaire de la personne qui s'appelle Nordine. Dans la nuit du 15 au 16 août 2020, à Stain, il y a une voiture dans laquelle se trouvaient Nordine et sa compagne. La voiture a été arrêtée par des policiers qui sont sortis sans brassard. Il s'est avéré par la suite que c'était des personnes de la BAC en civil. Il y a eu des coups de feu qui ont été tirés. Nordine a été gravement blessée. Sa compagne a eu le poumon perforé. Elle était enceinte à l'époque. Elle a perdu son bébé depuis. Et il s'avère que quelqu'un a filmé une vidéo qui a énormément tourné sur les réseaux sociaux. Et vendredi dernier, vendredi 18, il y a eu une audience au cours de laquelle le rendu fait que Nordine a été condamné à 15 000 euros d'amende. Les policiers ont déposé plainte contre lui pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et Nordine a aussi été condamné à 2 ans ferme de prison. Donc il est depuis vendredi incarcéré à la prison de Villepinte, ce qui est totalement dégueulasse. Et donc on appelle la majorité d'entre vous à venir réclamer justice pour Nordine devant le TGI de Bobigny demain à 14h. Je pense que voilà, j'ai fait un petit peu le tour et je vais finir avec une petite publicité pour toutes celles et ceux qui veulent soutenir le réseau d'entraide Vérité et Justice. Il y a une cagnotte en ligne, en sachant que la cagnotte, elle permet de payer des frais de transport pour toutes les personnes, étant donné que le réseau, c'est des personnes qui sont situées partout sur le territoire et sur les territoires d'outre-mer aussi. Et du coup, on a besoin d'argent pour continuer le combat. Et donc, pour cela, si vous voulez nous soutenir, il y a une cagnotte Hello Asso sur laquelle il faut taper Hello Asso, collecte de fonds, réseau d'entraide Vérité et Justice, organisé par le comité d'organisation du 10 mai. Et on vous remercie, force à tous et Vérité et Justice pour toutes et tous. Un grand merci à vous et force à vous aussi. Merci. Bonne soirée à toutes et tous. estrella.